moi en fait, le truc, je suis en train de terminer ma quatrième année à l'Institut d'études politiques de Lyon. Je suis en train de faire un master en gestion de projet et coopération au développement axé sur l'Amérique latine. Ouais. Et dans ce cadre-là, je dois rédiger un mémoire qui a pour thème la démocratie en Amérique latine. En gros, c'est ça. Donc moi, mon idée, ça a été j'avais envie de bosser sur le Brésil et sur Salvador, parce que c'était la seule ville en fait où j'étais allé au Brésil. T'es déjà venu ici ? Je suis venu ici un mois l'année dernière. Et bref, il y a un prof en fait, qui m'a présenté une association qui était à la fois à Lyon et à Salvador, une association capoeira. Mmh. Et c'est le concept m'a intéressé, si tu veux, le fait, le côté transnational, pourquoi il y avait de la capoeira à Lyon, pourquoi il y en avait là-bas. Enfin, en fait, c'est tout ça, c'est tout ce bordel-là. Ouais. Donc bref, j'ai eu l'idée donc de lier en fait la thématique de la capoeira à la démocratie brésilienne et en général dans le monde, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. En gros c'est ça. Donc ce que je suis en train de... ça fait un mois que je suis là, j'ai bossé avec plusieurs capoeiristes, avec Loa, enfin je ne l'ai pas enregistré parce qu'il ne voulait pas, il voulait juste discuter, d'autres capoeiristes, et je suis des cours donc... avec un groupe qui s'appelle le groupe de Capoeira Angola de Cabula. Mmh. Qui en fait, je sais pas si tu connais, c'est un quartier de Salvador un peu plus pauvre. Parce que le groupe n'est pas basé au Pelourinho, mais on met en périphérie. Et puis le maître fait plus ou moins des cours avec les gamins là-bas. Quoi. Mmh. En gros, moi, et c'est ce même groupe qui donne des cours à Lyon, dans la MJC, et dans, pour pour tout le monde, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il y a à la fois un côté social et à la fois un côté normal. Bref, en gros, c'est ça. J'essaie de comprendre pourquoi de tout ça. Et ce qui m'intéressait, moi, donc, c'était de discuter avec des capoeiristes étrangers, en fait, qui. Pas spécialement de la France, mais du monde. Là, j'ai discuté avec un capoeiriste du Japon, là, qui est dans ton cours. Hein. Ouais. Ouais, je pense que ça devait être lui qui était intéressant. Donc, moi, j'ai quelques questions, en fait, sur ta vie. Enfin, j'ai des questions, tu vas me dire un peu si. Bon, t'as déjà dû faire les entretiens, je veux dire, c'est pas une interrogation orale, hein, c'est juste j'essaie de connaître un peu mieux pourquoi t'as fait de la capoeira, tu fais de la capoeira. Donc je vais te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Samuel, je suis originaire de France, mais j'habite en Inde dans une ville qui s'appelle Auroville, où je suis depuis 3 ans à peu près. D'accord. Tu es né où ? À Poitiers. Tu as grandi là-bas ou... J'ai passé une bonne vingtaine d'années là-bas, ouais. D'accord. Ouais. Et tu as étudié ou... Alors, j'ai fait un bac STT, commerce. Après ça, je me suis dirigé sur la sociologie, que j'ai arrêté après 6 mois. Après ça, je suis retourné au commerce et aussi en droit. Et j'ai finalement arrêté pour aller vivre en Inde. D'accord, donc tu as arrêté les études et tu... J'ai tout arrêté pour... Moi, j'ai tout lâché pour partir. D'accord. Tes parents, qu'est-ce qu'ils font ? Alors ma mère, bonne question. Ma mère, qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Elle a été secrétaire médicale pendant 25 ans, elle vient juste d'arrêter. Et je crois qu'elle fait, elle est vendeuse ou quelque chose comme ça. Elle fait du porte-à-porte. Okay. Et mon père est éducateur spécialisé. D'accord. Pourquoi t'as... Je te pose des questions sur l'Inde parce que ça m'intéresse en fait. Pourquoi t'as choisi l'Inde en fait ? C'est une bonne question. Je crois que c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est elle qui m'a choisi. Je suis arrivé un jour, en fin d'année de droit, où j'en avais marre. Pour moi, c'était pas ça que je devais faire. Et j'apprenais le droit, mais on nous apprenait aussi que bon, bah, le droit, ça peut toujours. Il y a toujours des. Comment dire ça ? Des moyens de le contourner. Ou... Ouais, voilà quoi. On nous apprend ça aussi en droit, et je trouvais ça complètement illogique quoi. Tu peux pas apprendre une chose et on te dise le contraire, qu'on te montre le contraire. Et du coup, ça m'a blasé. J'ai décidé de tout arrêter, je savais plus quoi faire. Et le jour où j'ai décidé vraiment de tout arrêter, j'ai vu 2-3 photos à la télé sur une ville qui s'appelle Auroville. Ça m'est resté dans le crâne pendant un mois, quoi. Au bout d'un mois, je me suis dit, attends, faut que je sache ce que c'est, quoi. Ça va pas me hanter comme ça. J'ai découvert cette ville qui est assez spéciale, c'est une cité universelle, on est 43 nationalités, on essaie de faire des trucs un peu autrement quoi. Donc du coup j'ai décidé de partir là-bas. Et t'es parti là-bas en vacances avant de découvrir ou comment t'as fait? Je suis parti directement pour habiter là-bas. Ouais. J'avais la ferme intention d'y habiter. Et, mais en fait, il faut passer 3 mois d'abord là-bas. Tu y vas 3 mois, tu vois si ça te plaît réellement. Et si ça te plaît, après, tu peux revenir y vivre. Donc moi, je suis parti pour mes 3 mois, mais tout en sachant que je voulais y rester. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette histoire des 3 mois, c'est toi qui dis ça ou c'est une règle? C'était une règle. Je ne sais pas si c'est encore valable aujourd'hui. Je pense que si, mais c'était une règle. Il fallait faire un peu la découverte de la ville, de savoir si tu venais là pour le climat, ou pour le projet en lui-même, d'essayer autre chose, quoi. Parce qu'Auroville, c'est un peu... C'est un projet, une ville qui a été créée dans le but de faire autre chose, de trouver d'autres solutions et d'aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est vraiment complexe, on pourrait parler des heures là-dessus. Qu'est-ce qui a créé ça? C'est Sri Aurobindo, c'est sur les idées de Sri Aurobindo. C'est un penseur, philosophe indien, et sa compagne spirituelle qui s'appelle Mère, qui était une Française d'origine égyptienne, si je ne me trompe pas. Et dans l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de différent, parce que... Il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que surtout l'espèce humaine avait un cap à franchir. Et ils ont décidé de créer cette ville dans le but d'expérimenter des choses, et de trouver des alternatives. C'est une ville qui est vraiment différente des autres villes indiennes ou c'est... Oui, complètement. Enfin, pour moi qui y habite, à chaque fois que je sors de la ville, j'ai l'impression de changer de pays pratiquement. C'est très très frappant. Il y a beaucoup d'Européens, même s'il y a beaucoup d'Indiens. Et l'influence européenne est vraiment très très forte dans la ville. Donc du coup, quand Auroville est vraiment très calme. Et quand tu sors en Inde, ouais, tu sors en Inde au final. Tu as toute l'agitation indienne, tout ce qui fait l'Inde et sa difficulté. Au final, je ne peux pas dire vraiment que j'habite en Inde. J'habite à Auroville plus qu'en Inde. Alors quand est-ce que tu as entendu parler de la capoeira pour la première fois? Alors tout ça remonte à quand j'étais au lycée, je crois que j'étais en seconde ou je repiquais ma seconde. Et j'ai deux copains qui faisaient de la capoeira à l'époque et qui m'ont poussé à faire de la capoeira. C'est la première fois qu'on me poussait réellement à faire quelque chose. Et au début, j'ai dit non, c'est hors de question, tu ne me pousses pas à faire quelque chose. Et toutes les semaines, c'était ouais, viens avec nous, tu vas voir, c'est génial et tout ça. J'ai pas envie. Quoi. Finalement, au bout d'un mois, j'ai dû dire ok, vous me cassez les pieds, je viens avec vous, je viens voir ce que c'est la capoeira. Et je suis resté une heure assis dans mon coin, à regarder, observer. Bon. Je savais pas quoi. Je suis revenu la semaine d'après. Hein. Et c'était la fin de l'année, je crois. Et j'ai dit ok, enfin, il y a quelque chose qui me plaît là-dedans et je vais tenter. Et du coup, l'année d'après, je me suis inscrit et j'ai commencé à faire la capoeira. D'accord. C'était quel type de capoeira? Alors, c'est un style assez particulier. C'est le style contemporain, on dit en français. C'est un style qui se développe énormément dans le monde. C'est un mélange entre l'Angola et la régionale. Alors pour moi, c'est un style assez confus. Maintenant que j'ai du recul, c'est un style assez confus parce que la capoeira angola et régionale sont deux choses différentes. Et moi, quand j'ai commencé la capoeira, je ne savais pas tout ça. Quoi. Et je ne sais pas comment dire ça. Ça fait un peu brouillon. C'est un style un peu brouillon pour moi. Ouais, c'est un style brouillant. Okay. Et c'était avec quel groupe Alors le groupe s'appelle Jinganago. C'est un groupe qui est dans 3-4 villes en France, à Tours, à Nantes, à Niort, je crois, et à Poitiers. Et c'est sous la direction de Maestre Branco, qui à l'époque, quand moi j'ai commencé, il n'était pas encore maestro. Et depuis, il est devenu maestro. C'est quelqu'un qui a grandi sur le... C'est quoi le nom de l'île déjà? L'île qui est à côté. Hein. Itaparica. Il est de l'île Itaparica en fait. Il a grandi là-bas. Là-bas, il a des projets sociaux pour les enfants défavorisés et tout ça. Et Bon, il a monté son groupe en France et ça a été le premier arrivé dans l'Ouest. Alors, tu m'as dit que quand tu avais commencé la capoeira, il y avait un truc qui t'avait plu. Est-ce que tu sais maintenant ce que c'est ou pas? Bonne question. Très bonne question. Non, même maintenant, je sais pas. Je sais pas ce qui m'a plu à l'origine sur la capoeira. Je sais ce qui me plaît maintenant. Mais à la base, je sais pas ce qui m'a plu. Je sais qu'il y a le rythme et la musique qui m'a plu. Et le fait que ça soit... J'ai fait de la danse quand j'étais jeune aussi. Et ça ressemble quand même à la danse, la capoeira. Et j'ai fait aussi des arts martiaux, donc... Je pense que c'est le mélange de tout ça. J'adore la musique, j'adore les arts martiaux, et j'adore la danse. Je pense que c'est le mélange de tout ça qui m'a attiré. Et avec le recul maintenant, si tu me disais que t'étais en seconde, tu as doublé ta seconde, je sais pas trop quoi... Ça t'a permis de te stabiliser un peu au niveau social, je veux dire. Est-ce que déjà à cette époque-là, tu te sentais, t'avais des problèmes? Est-ce que ça t'a aidé? Enfin, c'est ça que j'aimerais savoir. Ouais, j'ai eu pas mal de problèmes à l'époque, en fait. Ça a été une période où... Alors la première année, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça, c'est assez intéressant. La première année, je crois... Ouais, à cette époque-là, je fumais énormément de joints, pour pas le gâcher. C'est pour moi, t'inquiète pas. C'est pas un problème, je m'en cache pas non plus. Donc, je fumais pas mal de joints et quelque part, le seul moment où je fumais pas, c'était quand j'allais à la capoeira. Et je me souviens d'une chose, cette première année, c'est qu'à chaque fois que je sortais des cours de capoeira, je me sentais bien et en vie. Et j'ai respiré, j'étais... Bon, c'était 3 heures où on y allait vraiment fort, quoi. Et je respirais, j'avais envie de faire des choses, j'étais motivé, quoi. Malheureusement, durant cette année, j'ai eu un petit problème. Enfin, mon père a eu un problème avec la justice, en fait. Donc, c'est des choses qui arrivent, quoi. Et du coup, ça m'a affecté et je me suis mis encore plus fumé, quoi. Et je me suis mis notamment à fumer avant les cours de capoeira, ce qui est une grosse... erreur à ne jamais faire, surtout quand le prof le remarque, qui fait que le maestré le voyait clairement et m'en faisait baver et j'arrivais pas à suivre, quoi. Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber la capoeira, je crois au bout de 6 mois j'ai laissé tomber la capoeira parce que je préférais passer des soirées à m'enfumer le crâne et rester avec mes amis, ouais. Donc là, ça a été une première défaite, en gros. L'année d'après, je me suis dit, bon, ok, j'arrête. J'ai arrêté de fumer, au final, entre-temps, parce que j'ai rencontré quelqu'un, parce que ça me convenait plus. Et j'ai repris la capoeira. J'ai encore arrêté au bout de 6 mois, non pas parce que je fumais, mais parce que je préférais être avec ma copine. Mais là, c'est autre chose. Quelques années après, j'ai repris la capoeira, je crois 3-4 ans après, j'ai recommencé encore la capoeira. Et là, ça a été différent. C'est une époque, c'est à peu près l'époque où j'ai commencé à connaître Auroville. C'est surtout l'époque où j'ai commencé à vouloir arrêter de fumer. Et du coup, je me suis servi de ce que je savais de la capoeira pour me libérer de la cigarette et du vent aussi, quoi. Du coup, je me poussais à faire des exercices, à... Même si je retournais pas au cours de capoeira, je faisais les mouvements de capoeira, je faisais ce que je savais, quoi. Et ça me donnait un second souffle, en fait. Donc, quelques temps après, je suis parti en Inde et là, c'est une autre histoire, quoi. Et en Inde, tu as rencontré des groupes de capoeira là-bas? Alors, quand je suis arrivé en Inde, j'étais un peu pas désespéré parce que je retrouvais la capoeira et j'avais vraiment envie de continuer la capoeira. La retrouver, même si au final je crois que je n'avais jamais lâché parce que j'écoutais toujours un peu de musique de capoeira, il y avait toujours ça qui était derrière, quoi. Et quand je suis retourné là-bas pour m'installer, je me suis dit merde, c'est con, je suis en Inde et j'ai une envie profonde de faire la capoeira et je suis dans le mauvais pays. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et une semaine après, j'ai rencontré Thiago, un ami, qui m'a dit « Viens, je fais de la capoeira, viens faire avec moi ». Je fais « C'est bon ». Et du coup, je suis resté avec lui pendant un peu moins d'un an. J'ai fait de la capoeira avec lui. Lui, il faisait de la régionale et essayait de virer à l'Angola. Donc du coup, ça tombait dans la capoeira contemporaine, donc dans ce que je connaissais déjà. Et au bout de 6 mois, un an, il est parti et il m'a dit « Écoute, maintenant c'est à toi de faire les cours ». Et là, j'ai commencé à flipper. J'ai commencé à flipper, mais en même temps, bon, si je voulais continuer la capoeira, j'avais pas le choix, fallait que je trouve des gens pour faire la capoeira avec moi, quoi. Donc ça a été un peu un challenge et j'ai commencé à donner des cours. J'ai eu des premiers élèves, j'ai commencé avec peu d'élèves et ça a été une expérience extraordinaire, ça a été dur. Parce que des fois, faire des cours avec une personne, c'est pas évident, surtout quand c'est pratiquement tous les deux jours où tu fais avec une personne, il faut vraiment te motiver pour continuer, quoi. Mais j'ai persisté et ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris sur moi-même, ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a... Je sais pas comment expliquer ça. Rien qu'au niveau du chant, maintenant je chante sans aucun problème. La timidité, toutes mes barrières en fait se sont effacées parce que je devais maintenir la classe. Et du coup, il fallait que je me lâche et j'abatte toutes ces barrières de timidité, d'idées préconçues ou tout ce que j'avais, il fallait que je le casse, sinon je ne pouvais pas faire ma classe. Et ouais, cette époque, elle m'a énormément appris. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Et parce que quand tu avais commencé la capoeira, c'était ton pote Thiago qui faisait les cours en fait. Alors lui donnait les cours avec lui, on a donné, il avait invité un copain aussi qu'on a donné pendant quelques temps. Et Thiago, c'est quelqu'un d'assez spécial que j'aime énormément. Comment il s'appelle? Ah, comment il dit ça? Il dit qu'il est un créateur d'espoir. Et c'est vrai. Il est venu au Brésil, il n'est pas originaire du Brésil, il est originaire du Portugal, mais il a passé beaucoup de temps au Brésil. Et il a fait beaucoup de projets sociaux ici avec les enfants, avec... c'est quoi ce projet? C'est Children's Land. En fait, c'est des terres qui sont allouées aux enfants, qui restent pour les enfants. C'est-à-dire que personne ne peut y toucher. Et les enfants s'occupent du terrain. Et lui, il a continué à développer ça partout dans le monde, en fait. Il a fait ça au Pérou, au Chili, je crois, au Népal, en Inde. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une idéologie assez particulière. Et dans ses cours, ça se ressentait aussi. Parce que la capoeira, c'est sa vie. Ça fait longtemps que j'ai pas de ses nouvelles, mais je sais que c'est sa vie. Et partout où il va, il emmène la capoeira avec lui. Dans chaque terrain où il a alloué aux enfants, qu'il a alloué aux enfants, donc il a aidé à allouer aux enfants, il y avait de la capoeira dedans. Pour lui, la capoeira, bon, il préfère l'Angola, même s'il est de la régionale. Pour lui, la capoeira, c'est quelque chose d'ouvert. Quand il y avait une classe, c'était lui qui donnait la classe, mais c'était... si quelqu'un d'autre venait, il pouvait aussi donner la classe, c'était pas un problème. C'était ouvert, et chaque personne qui avait de l'expérience, qui allait découvrir un truc, pouvait le partager. C'était vraiment... C'était une famille. Enfin, pour moi, c'était comme une famille, quoi. Même si je suis le seul qui soit resté depuis le début, c'était comme une famille. Et on a vraiment eu des liens très, très, très, très profonds. Les cours, c'était gratuit ou c'était... Il y a le cadre particulier d'Auroville qui fait que si normalement pour les Auroviliens, ceux qui habitent à Auroville, les choses sont plus ou moins gratuites. Pas quand on vient de l'extérieur, c'est autre chose. Donc pour moi, ça a toujours été gratuit à Auroville. Mais dans les salles où on a pratiqué, on nous a toujours demandé de payer pour l'entretien, pour l'électricité et tout ça, quoi. Donc au final, les cours étaient payants pour ceux qui viennent de l'extérieur de Rodin, et surtout les Européens. Et particularité, c'est que les frais étaient partagés aussi ici. Bon, là, je vais parler en roupies parce que c'est la monnaie d'Inde. Si la classe revenait à 150 roupies pour quelqu'un de l'extérieur, il y avait 50% qui allait à celui qui donne la classe et 50% qui va pour l'entretien de la classe. Bon, Thiago faisait ça et c'est un point sur lequel on n'était pas trop d'accord tous les deux. Je lui ai déjà dit que moi, mon maestré en France, il est mon maestré. Il a toujours été mon maestré parce qu'un jour, il est revenu du Brésil et il nous a dit « Voilà, je viens de voir mon maestré. » Et j'ai décidé de plus faire payer mes cours. La capoeira, je la donne. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que Maestro Branco était mon maestré. Parce qu'il avait une autre chose derrière. C'est pas un gars qui était là pour faire l'argent avec la capoeira. Il était là pour faire autre chose, pour donner la capoeira. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment touché profondément. Bon, maintenant, il y a cette différence avec Thiago. Mais c'est jamais vraiment un problème. Pour continuer sur l'argent, bon, moi je donne des cours depuis, j'ai pas arrêté. Ça fait 2 ans et demi que je donne des cours maintenant. Et même quand Thiago revient en Inde, je continue à donner des cours. Et je donne aussi dans un club de fitness. Bon, j'en suis pas spécialement fier. Mais dans le club de fitness, on me paye pour ça. Et j'ai décidé de... À la base, ce club a demandé un professeur de capoeira. Ils ont entendu parler de moi. Et Thiago était là aussi. Mais ils ont préféré que ce soit moi qui donne les cours. Et parce que j'ai un style différent et que... Je peux pas... Je sais pas comment dire ça. Je suis assez carré sur les cours que je fais. Et, Thiago, il a un peu cet esprit un peu ouvert. Des fois, ça se ressent dans ses mouvements et ça fait pas... Pas cas. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était quelque chose de clair. Je sais pas si tu vois comment c'est fait dans les trucs, une salle de fitness, tu fais du bodybuilding, c'est quelque chose d'assez. Faut que tu fasses ça comme ça et pas autrement. Thiago, c'est pas comme ça. Thiago, si tu fais le mouvement, tu le suis, tu le fais autrement, c'est bon, c'est pas un problème. Et moi, à cette époque-là, j'étais pas dans ce truc-là, quoi. Je voulais vraiment me perfectionner sur le mouvement. Ils ont vu ça, ils m'ont dit, ok. Nous, ça nous plaît ce que tu fais et tu as l'air de bien pousser, on sait ce dont on a besoin. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à l'époque, j'étais en train de changer mes idées aussi. Et que donc, j'ai accepté de faire ça avec eux. Et j'ai évincé volontairement Thiago aussi à cause de cette histoire d'argent. Parce que je savais que Thiago n'allait pas rester en Inde, premièrement. Et qu'il aurait mis l'argent dans sa poche. Moi, ce n'est pas ce que je cherchais à faire. Chercher à récupérer l'argent pour construire autre chose à côté. Donc du coup, depuis, je donne ces cours dans la salle de fitness où j'ai changé radicalement mon style, m'adaptant surtout à la demande des élèves. Et je récupère leur argent soit pour acheter du matériel, tout simplement, comme des birimbaos qui sont assez chers à faire venir en Inde. Ou, pour l'instant, ça sert au matériel, mais j'ai dans l'idée aussi de ramener la capoeira en Inde et de faire venir des maestres en Inde. Parce que je ne suis pas maestré, je suis loin de l'être, et je ne compte pas l'être d'ailleurs. Et je pense que ce qu'on a commencé, ça pourrait être un pôle où les maestres viennent et il n'y a pas un maestré. C'est des maestres qui viennent et on partage la capoeira. Donc, voilà. Et ce type de choses, en Inde, tu en connais déjà? Je dirais, est-ce que tu connais des maîtres de capoeira en Inde? Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu? Il n'y a pas de maestré de capoeira en Inde. Il y a, à ma connaissance, il y a vraiment un groupe qui est connu en Inde. Je dirais qu'il y a 4 groupes, dont le nôtre, si je peux appeler notre groupe un groupe. Il y a Monitor Baba, qui fait partie du groupe Capoeira Brasil, je crois. Donc, qui est définitivement orienté régional et un peu spectaculaire. Et il est connu parce que son groupe font énormément d'acrobatie et tout ça. Et ils ont donc été appelés pour faire des clips vidéo et tout ça. Donc c'est quelque chose qui commence à émerger en Inde par le biais des médias, comme ça l'a été en Europe au final, je pense. Et les autres groupes ne sont pas très connus et je ne pense pas qu'ils aient énormément de monde. Je crois qu'il y a un groupe qui était pas loin de chez nous, à 150 km. Et ça fait un an que j'en ai pas entendu parler, je crois qu'ils ont arrêté. Par contre, Moniteur Baba a de plus en plus de monde. À côté de ça, il y a nous. À Auroville, on est combien ? On est 3 ou 4 professeurs, ça dépend. Là, en ce moment, il n'y a personne, puisque je suis là. Et il y a un professeur de régional, enfin, qui est prof de régional. Il y a Thiago, il y a moi, et il y a Pierre, un très bon ami qui lui fait de l'Angola, mais un Angola qui est précieuse pour moi. Enfin, je ne vais pas parler de ça, mais quelque chose de précieux. Alors, ce qu'on essaie de faire, surtout avec Pierre, c'est de passer par les choses. Ok, on fait tous un style différent, mais on est ensemble et on fait de la capoeira. De la capoeira avec un grand C, pas de la capoeira régionale, mais de la capoeira Angola. On fait de la capoeira, on est ensemble. Et on essaie de se réunir ensemble, de pas dire, oh, lui, il fait ça et tout, et pff, nous, on n'aime pas, quoi. Pas discriminer. Et on essaie de se réunir. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. On a eu pas mal de coups de gueule et pas mal de combats, des fois. Mais on essaye quelque chose. Nous, dans la ville, l'année dernière, j'avais 70 enfants qui faisaient de la capoeira avec moi. Sachant qu'on est 2000 dans la ville, c'est déjà pas mal. Niveau adulte, je dirais qu'on est une dizaine de fixes. Donc c'est un début. C'est un début. À côté de ça, à Pondichéry, bon, bah, je suis le premier à faire la capoeira à Pondichéry, qui est la ville d'à côté. Donc je fais ça dans ce club de fitness. Et on est un peu moins de 10 pour l'instant, mais avec des gens motivés, quoi. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va se développer aussi en Inde. Mais l'Inde, c'est un pays pauvre. Et pour l'instant, la capoeira, je pense que ça se développe surtout dans les pays européens, là où il y a de l'argent, même en Amérique du Nord, là où il y a de l'argent à faire. Ce qui n'est pas le cas en Inde. Pour toi, ça va à l'encontre de l'esprit de la capoeira, ça ? Ou c'est une évolution de la capoeira ? De quoi ? De gagner de l'argent ? Ah ouais, le fait que ça s'exporte aux États-Unis ou en Europe, c'est quoi ? C'est positif pour toi ? Positif, je sais pas. C'est une évolution, ça c'est certain. Hier soir encore, je parlais avec la femme de Maestre Lua. Et on parlait de ça justement. Et ce que je comprends en étant à Bahia et à Salvador, c'est que petit à petit la capoeira disparaît de Salvador. Enfin, c'est une impression que moi j'ai. Tout ce qui est original, tout ce qui est précieux pour moi à Salvador, tout ce que je recherche, tous ces vieux maestres qui ont un savoir incroyable, ça disparaît. Parce qu'ils ne sont pas reconnus ici. Et du coup, je pense que ça a poussé beaucoup de gens à s'expatrier ailleurs. Il y a beaucoup de maestres maintenant qui vont en Europe pour l'argent, mais aussi pour la reconnaissance. Parce que là-bas, enfin, c'est pas qu'ils sont vus comme des dieux, parce que c'est pas des dieux, mais c'est il y a du respect pour les maestres. J'ai toujours eu du respect pour mon maestré, et même si dans mon groupe, des fois, on reproche. Mon groupe en France, on reproche au maestré de ne pas être présent tout le temps. Il y a quand même un respect du maestré. C'est lui qui a fait le groupe, c'est lui qui a apporté la capoeira, cette chose qui est notre passion au final. Et ici, c'est pas quelque chose que je ressens. Clairement, je suis allé au fort de San Antonio. J'ai fait avec le groupe de maestré Jean Pekin. J'ai fait avec Mestre Curio. Je suis toujours avec Mestre Curio. Et il n'y a pas cette chose, pas cette presque admiration et cette reconnaissance. Mestre Curio me dit, a encore été il y a une semaine, faire un congrès pour défendre la capoeira angolaise. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire en Europe, je pense. Parce que c'est quelque chose qui se développe en Europe. Même avec l'Angola. Même avec l'Angola, oui. Bizarrement. Non, je ne pense pas que ce soit bizarrement parce que l'Angola a quelque chose de différent, c'est différent de la régionale, définitivement. Et c'est un autre esprit que la régionale. Et beaucoup de capoeiristes de régionale cherchent l'authenticité de l'Angola. Et tout ce jeu de malice, de malandrage, cette chose qui manque à la régionale, pour, enfin pour moi en tout cas. Tout. Les recherches de l'authenticité, du vrai, pas un truc qui a été épuré au fil des années. Et qui au final, pour moi, se ressemble de plus en plus aux arts martiaux, comme le karaté, où c'est. On sait ce qu'on fait, on va se donner le coup de pied comme ça. Mais au final, ça. Ça devient du calque sur tout ce qui se fait, quoi. Et c'est pas. Il y a une part de vérité qui est plus là. L'Angola, c'est pas ça, c'est chacun ses mouvements et voilà, ça se mélange. Et puis, mais c'est pas Stinia disait avant de mourir qu'il apprenait encore la capoeira. C'était quand même c'est pas Stinia, quoi. Et ouais, je pense que le développement en Europe et aux États-Unis, ça apportera quelque chose à la capoeira. Peut-être que ça rendra la. Pas comment dire, ça rendra honneur à la capoeira, je sais pas comment dire ça, mais peut-être que ça rapportera quelque chose à la capoeira. Il y a beaucoup de gens ici, je vois beaucoup d'étrangers à Salvador qui viennent chercher aussi l'authenticité de la capoeira de Bahia, parce que c'est là où est née la capoeira. D'un autre côté, je vois quelque chose qui moi me plaît pas vraiment, c'est tous ces groupes qui font de la capoeira pour le show, pour le montrer, faire des spectacles avec. Et là où ça me plaît pas, c'est qu'il y a des fois, il n'y a même pas de jenga, qui est le mouvement quand même de base de la capoeira. Il n'y a pas de rituel, des fois, il n'y a même pas de jeu entre les gens. C'est juste des démonstrations de backflip, de mouvements jolis à voir, quoi. Et ça, je pense que ça nuit à la capoeira. Pour beaucoup de gens, ils ont vu la capoeira à la télé, ils ont vu des gens qui sautaient en l'air. Et c'est ça pour eux, la capoeira, alors que c'est autre chose. Il y a autre chose derrière. Je parlais hier aussi du fait qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de maestros qui vont en Israël. Et par exemple, Moniteur Baba, qui est d'Inde, lui, il n'a pas appris la capoeira au Brésil. Il a appris en Israël. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui apprennent d'Israël et qui développent ça. Et ce n'est pas la capoeira angola, c'est la capoeira régionale. Personnellement, je pratique régional et angola et j'essaie de différencier les deux. Clairement différencier les deux. Et j'aime bien les deux, c'est pas un problème. Mais il y a une tendance avec la régionale à développer d'autres choses, à dénaturer la capoeira, même dénaturer la capoeira régionale. Aujourd'hui, j'apprends avec le fils de Maestro Bimba, qui est le créateur de la régionale, et j'ai découvert la régionale. Après plus de 4 ans à faire de la capoeira, j'ai découvert la régionale. Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais vu avant. Rien à voir. Tous ceux qui m'ont dit qu'ils faisaient de la régionale, aujourd'hui je peux leur dire c'est faux. Vous ne faites pas de la régionale. Vous faites un autre style de capoeira. Vous vous appelez régionale, certes, mais c'est pas de la régionale. Pourquoi ? Enfin, c'est quoi la différence ? Maestro Bimba a créé la régionale dans le but d'être effectif et de montrer que la capoeira c'était quelque chose qui pouvait servir à se défendre et à lutter. Pour lui, c'était une lutte. Et il avait des mouvements qui étaient calculés, qu'il a choisi, qu'il a développé, prenant des mouvements d'autres arts martiaux. C'est comme ça qu'il a fait sa capoeira régionale. Maintenant, c'est plus ça que font les gens. Ils ont pris ce qu'ont fait Maestro Bimba, certes, mais ils ont incorporé pas mal de choses, comme ce qu'on appelle les floreos. C'est des mouvements qui sont là pour faire joli au final, pour donner de la beauté au jeu. Et ça s'est énormément développé. Du coup, ce qui se passe, c'est que ces floreos sont pas adaptés à l'effectivité. Et les joueurs sont obligés de jouer un peu plus en retrait l'un de l'autre. Alors que la capoeira régionale, normalement, tu joues proche. Et ton but, c'est d'y aller, pas de bastonner l'autre, mais d'y aller, quoi. Et si l'autre réagit pas, bon, il s'en mange une, et puis voilà, il comprendra pour la prochaine fois. C'est vraiment un truc qui peut être dur, la régionale. Et là, maintenant, ce que moi, j'ai beaucoup vu, c'est des joueurs de régionale qui jouent à un mètre l'un de l'autre. Donc, du coup, les coups, ils peuvent pas toucher. Ils sont là juste pour, je sais pas pourquoi, pour faire joli, pour faire quelque chose. Mais il y a quelque chose de plus. Qui a été dénaturé dans ce qu'était la régionale à la base. Et franchement, je trouve ça dommage. parce que au final on m'a dit, quand je suis arrivé ici qu'il n'y avait que Maestro Nenel qui perdurait la capoeira régionale, la vraie capoeira régionale. Et c'est quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. C'est étrangement, c'est aussi quelque chose, la capoeira régionale de Maestro Nenel, c'est quelque chose que je trouve qui se rapproche énormément de la capoeira Angola antique. Quelque chose qui était là pour marcher, parce que les esclaves, quand ils ont trouvé la capoeira, quand ils ont essayé de développer la capoeira, bon, bah, ils y allaient, et puis voilà, quoi. Fallait qu'ils apprennent à se défendre. Ils n'étaient pas en train de faire des jolis trucs, ils n'étaient pas là pour faire joli, quoi. Il y en a qui disent que beaucoup d'esclaves en sortaient avec des... en sang, et... C'était pas pour les enfants, quoi. C'était pas un truc gentil, quoi. Tu as voyagé déjà en dehors de l'Inde depuis que tu y habites ou... Bonne question. En France, ouais. Pas plus. Ouais, ok. Étrangement, ouais. Non, je suis. Mon but premier, c'était l'Inde. Maintenant, je suis ici au Brésil et c'est une première étape pour moi. Je dois avouer que la capoeira, ça va au-delà d'une passion, c'est aussi quelque chose qui pour moi va devenir un véhicule. Là, je suis là à Salvador et je suis là à Salvador pour la capoeira. C'est vraiment mon but. Et je sais pas, j'ai cette chose en tête pour moi de voyager, de découvrir les différents groupes et de découvrir la capoeira, quelque chose de global. Personnellement, visiter les choses, c'est même pas un truc qui me passionne, les masses. On peut le faire en 5 minutes, on va visiter une église ou deux, bon, c'est joli et tout ça, quoi. Ou visiter une ville, c'est joli. Mais la capoeira, découvrir d'autres, c'était le capoeira, voir ce que les gens en font et peut-être aussi promouvoir ce qui se fait ici, et je sais pas pour l'instant. Mais je sais que pour moi, la capoeira, ça va devenir mon moyen de transport de ville en ville. Comme je disais, la capoeira, c'est la première fois que je viens à Bahia, à Salvador, c'est la première fois que je viens au Brésil, la première fois que je sors de l'Inde et de la France, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais rentrer dans 2 mois, je ne pense pas que je vais voyager beaucoup au Brésil pour l'instant, j'attends un peu de me perfectionner avec le portugais, mais ce n'est pas la dernière fois non plus que je reviens en Inde. J'ai aussi envie d'aller en Afrique, normal, c'est le pays... C'est le pays dont les esclaves sont issus, donc l'Afrique a quelque chose de spécial, je pense, quelque chose de très proche de la terre pour moi, un peu comme l'Inde d'ailleurs. Et il y a l'Afrique, il y a tous les pays au final. Et je pense faire des trajets d'aller de groupe de capoeira en groupe de capoeira, peu importe leur style au final, et voir ce qu'ils font, voir ce qu'ils font, quoi. Ça peut être un véhicule. Comment tu finances ça? Je veux pas être indiscret, mais non, ça m'intéresse même d'un point de vue personnel, parce que... C'est pas indiscret du tout, et j'ai vraiment pas de tabou sur quoi que ce soit, donc... Vivant en Inde, il faut dire que c'est parce que je gagne en Inde qui va me faire voyager. Clairement, ce que je gagne en Inde, ça m'aiderait même pas à payer 2-3 jours à vivre ici. En un mois... Je gagne pas assez pour vivre une semaine ici. J'ai la chance d'avoir mes parents qui sont en France, et surtout ma mère et ma grand-mère. Et ils ne me donnent pas beaucoup. Elles me donnent 70 euros par mois chacune. Mais ça me permet de faire d'autres choses. Enfin, ça me permet d'économiser ça. Parce qu'en Inde, je dépense pas énormément. Et ça me permet au bout de 6 mois, par exemple, de payer mon billet pour aller en France. Mon billet aller-retour. C'est rien, mais au bout d'un an, bah, je peux venir au Brésil. Si j'économise assez. Ça demande des sacrifices, c'est clair. Je sors pas. J'ai une vie assez particulière en Inde. Et je roule pas en voiture de sport, j'ai pas. Enfin, de toute façon, je pourrais même pas, mais je dépense pas énormément. Quoi. Et je m'en tiens vraiment au minimum. À côté de ça. Bon, pour venir en Inde, j'ai fait des choses. J'ai dû gagner de l'argent aussi pour pouvoir m'installer. J'ai, j'ai donné mon corps à la science. Ouais, en fait, il y avait des. J'ai même ami qui m'a montré la capoeira m'a parlé de ces cliniques qui font des expériences sur les médicaments et tout ça. Et j'ai eu la chance de tomber sur. D'aller voir ce que c'était au final, et qu'ils fassent des tests sur les vaccins de la. C'est pas la variole. Non. C'est chaud. Ouais. Je sais plus ce que c'est. C'est un truc que toutes les personnes de plus de 30 ans ont été vaccinées, où ils ont tous une marque sur le bras. Et nous, la génération d'après, en fait, on n'a pas eu parce que c'est une maladie qui a été éradiquée. Et bon, les Russes ont perdu la souche de cette maladie, ce qui est assez ennuyeux. Et donc, du coup, la France a eu peur que ça puisse être utilisé comme arme terroriste. Donc, ils ont fait des vaccins. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur un vaccin qui était déjà connu. Donc, il ne pouvait pas faire de mal. Et j'ai gagné 2 000 € pour ça. Donc, ça, c'est super. À côté de ça, j'ai quand même pas mal travaillé. J'étais prof aussi. Enfin, prof. Je tenais une bibliothèque dans une école en France. Et j'ai aidé les professeurs aussi. Donc, ça, c'était après ma fac de droit et pendant que je pensais aller en Inde. D'accord. T'as économisé à ce moment-là ? J'ai économisé à ce moment-là. Et c'est une époque où j'ai travaillé. Donc, je travaillais dans cette école. À ma pause de midi, j'allais livrer des tracts. Je dirigeais une équipe pour livrer des tracts dans la rue. Donc j'allais dans la rue et tout avec la voiture. Et, bon, c'était assez comique. Et le soir aussi, je faisais ça. Enfin, j'ai pas arrêté. Du coup, ça m'a permis aussi d'amasser de l'argent et de pouvoir m'installer en Inde. J'ai pas eu tout utilisé dans les 3 ans où je me suis trouvé à Auroville. Donc du coup, il y a une partie de cet argent qui sert aussi encore aujourd'hui pour financer mon voyage ici. Au-delà de ça, j'ai aussi reçu un héritage qui n'était pas énorme, mais même si tu touches 1 000 €, pour moi c'est énorme. Vivre en Inde, c'est quelque chose d'énorme. Donc ça m'a aidé. Voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, je ne vais pas cacher non plus que l'argent que j'ai gagné avec les cours de capoeira à Pondichéry, je m'en sers aussi. Non pas pour financer mon propre voyage, mais pour amener le matériel. Là, pour l'instant, j'ai acheté des birimbao, surtout pour les enfants. Pandeo, je crois que c'est à peu près tout. Et ça, c'est avec l'argent du groupe. Quoi. Bon, c'est quelque chose... Personnellement, je mets l'argent dans un compte commun. Même si je suis seul à donner de l'argent pour l'instant, je demande l'accord aux autres. De savoir qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a sur le compte. Quoi. Et bon, on est 3 à être en accord. Enfin, il y a ma sœur et puis Pierre, qui pour l'instant me supporte sur ce que je fais. Et donc on a tous dit, bon ok, je vais au Brésil, je ramène des instruments et puis c'est tout. Quoi. En plus de ça, j'ai écrit un projet à Auroville, disant, bon bah voilà, moi je vais au Brésil, mon travail à Auroville c'est d'être prof de capoeira aussi. Je donne minimum 2 heures de classe tous les jours. Et donc mon travail, c'est aussi une partie ça. Donc je vais au Brésil et je vais apprendre quelque chose que je vais ramener en Auroville. Et j'ai de la chance parce qu'on a un fonds spécial pour ça. Donc j'ai écrit mon projet expliquant pourquoi ça pouvait, ce que ça allait développer à Auroville. Et bon, c'était un truc qui était assez long et tout ça. Et ils m'ont supporté, ils m'ont payé les cours de capoeira ici. Je pense pas que ça finance tous les cours de capoeira. Je crois que je vais même épuiser l'argent maintenant. Mais ça m'aide. Même si c'est rien, ça devait faire 200 € au final, c'est encore une aide. Tu l'as le projet ? Tu veux dire, à moi, tu me l'envoies ? Enfin, c'est écrit ou... Ouais, c'est 3 fois rien. C'est 3 fois rien, j'explique. Ouais, je pourrais te l'envoyer, c'est en anglais. Non, c'est pas grave. Et je peux te l'envoyer. Tu me donnes une idée d'ailleurs. Ouais. Faut que je le retrouve, ça doit être dans mes emails. Parce que... Mon boulot, ça peut être intéressant, tu vois. Ouais, ouais. Déjà, le fait que tu sois français, c'est intéressant parce que ça va intéresser l'université par laquelle je travaille. Qui est français, qui fait ça. C'est intéressant. Et plus que ça, je verrai un peu ce que tu as écrit pour moi. Ouais, carrément. Dire. Ça, pour moi, c'est intéressant. D'accord. Moi, ça me fait un peu du matériel à ramener. Qu'est-ce que je veux dire? Tu rencontres beaucoup de gens d'autres pays qui font des capoeira comme toi, qui vivent un peu en dehors de leur patrie. Ici ou en général? En général. En général, en France, j'en ai pas trop rencontré. J'ai dû rencontrer un ou deux. Pas plus que ça, mais je suis dans une petite ville, enfin une petite ville. Il y a quand même 120 000 habitants, mais ça reste une petite ville, quoi. Et le groupe n'est pas très développé. En Inde, ouais. À Auroville, ouais, carrément. On a souvent des... c'est un truc qui est super d'ailleurs, avec ce qu'on fait. On voit souvent des capoeiristes qui viennent, enfin, ils se baladent, des capoeiristes partout dans le monde. Donc c'est... Et on leur propose, on les attrape, enfin, moi je les attrape et je leur dis, bon, tu viens au cours, quoi. Puis tu partages avec nous ce que tu sais et voilà, quoi. Mais là, c'est le cas encore particulier d'Auroville, qui est quand même une ville internationale et voilà. Ici, à Salvador, j'ai rencontré beaucoup de personnes d'autres nationalités, ouais. Des Japonais, pas mal de Japonais, une Allemande, là, des Américains, beaucoup d'Américains d'ailleurs, et des Finlandais. Je pense que c'est normal parce que Salvador, c'est le berceau de la capoeira, donc il y a beaucoup de gens qui veulent revenir aux sources. Thiago, lui, dans son... je ne sais pas si je peux parler pour lui, mais lui a rencontré des tas de personnes grâce à ça. Quoi. Vu qu'à chaque fois il allait dans d'autres pays, j'ai utilisé cette expression, mais il a une grande gueule. Ben, il appâte les gens avec la capoeira, il a toujours donné des cours de capoeira, donc il appelle la capoeira. Quoi. Et du coup, il a rencontré énormément de personnes avec la capoeira, énormément de personnes. Qui nous a renvoyé à Auroville, par exemple, ou qui nous a présenté après. Quoi. Je pense que la capoeira, c'est un moyen de. Si on abat les frontières, c'est une super famille, quoi. C'est une grande famille. Tous ceux qui voyagent avec la capoeira, qui voient d'autres choses, même si on a des capoeiras différentes, on est une grande famille, quoi. Et ça se ressent. Enfin, moi, j'ai déjà ressenti plusieurs fois. On fait de la capoeira, c'est tout, quoi. Peu importe que ce soit régional ou que ce soit Angola, quand on joue ensemble, on joue ensemble. Et c'est tout, quoi. Et au niveau des capoeiristes étrangers qui sont pas brésiliens, est-ce que tu connais beaucoup de capoeiristes des pays du Sud, tu vois ce que je veux dire? Des pays plus pauvres qu'en Europe, qu'ils soient pas d'Europe ou pas des États-Unis. Ouais. J'en ai vu récemment qui sont d'où? Du Niger, je crois. Mais c'est une minorité, hein. En Amérique latine, ouais. Les Argentins. Mais l'Argentin, je sais pas si c'est... Je pense que c'est des gens qui avaient quand même de l'argent, quoi. Donc, Argentin, Colombien, ouais. Ouais, ouais. Hormis ça, j'ai jamais vu de Mexicain. J'ai pas encore vu de Chinois. Dans tous ces pays où il n'y a pas vraiment d'argent, quoi. Non, parce qu'il y a... Je pense que si j'avais dû les rencontrer, c'était dans leur pays. Parce que dans les pays pauvres, t'as besoin d'argent pour voyager. Donc seuls les plus riches peuvent voyager. C'est pas évident, quoi.